J'étais vraiment l'espionne numéro un. Et ce complot-là, il est revenu tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même encore aujourd'hui, je suis la vendue, la traître, et celle qui est payée par le gouvernement. Puis du coup, bah, j'en ai l'usufruit, puisque évidemment, aujourd'hui, je suis gérante. Donc, c'est grâce au mouvement des Gilets jaunes. Notre devoir, c'est d'être complotiste pour dénoncer les comploteurs. Qui contrôle le New York Times? Qui contrôle chez nous BFM TV? Qui? Ben c'est la communauté que vous connaissez bien. Ni oubli, ni pardon pour tous ces enfoirés. Rien. Sachez bien que vous allez payer. Réveillez-vous! Tout est calculé! Du complotisme, de la désinformation, du harcèlement, ça a été très très très dur. Je réalise que les personnes qui rentrent dans ces récits complotistes sont en train de se créer une réalité alternative. Bonjour à toutes et à tous, je suis Héloïse Weiss, bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveillez-vous, le podcast de Conspiracy Watch. Sa silhouette vous est peut-être familière, des cheveux roux, des yeux bleus et un gilet jaune qu'elle arbore comme un étendard. Nous sommes fin 2018 quand Ingrid Levavasseur devient l'une des porte-voix du mouvement social né sur les ronds-points en France. Mais ses apparitions médiatiques et ses rencontres avec les politiques lui valent aussi les foudres de certains gilets jaunes. Des figures influentes et parfois complotistes l'accusent de trahison. Aujourd'hui, ces calomnies la poursuivent toujours. Pour en parler, Ingrid nous a donné rendez-vous à la Guinguette des Écluses, un établissement dans l'Eure qu'elle a racheté il y a quelques mois. Vous passez par les coulisses. Je m'appelle Ingrid Levavasseur, je vis à Pitre dans l'Eure. J'ai 38 ans, 3 enfants. Je suis née dans une famille d'ouvriers. J'ai 3 frères et sœurs, avec un père alcoolique qui violentait ma mère, voilà, très régulièrement. Elle a essayé de le quitter 7 fois. La 7e était la bonne. On a été dans un foyer pour femmes battues, donc voilà, on a été cachés pendant un certain temps pour que ma mère soit sécurisée. Et puis ensuite, elle a été réintégrée à la société, entre guillemets. Voilà, il fallait qu'elle retrouve un travail. Donc, elle a été femme de ménage pendant des années. Et ensuite, elle a été auxiliaire de vie. Donc, elle s'est toujours occupée. Elle a toujours travaillé malgré les difficultés et le fait qu'elle ait 4 enfants. Moi, je suis partie très vite de chez mes parents. J'avais 16 ans à peine. J'ai rencontré le père de mes enfants, je me suis mariée très jeune, à 20 ans. J'ai eu ma fille à 18 ans. La violence avait pris beaucoup de place dans notre couple. Et voilà, il était très violent. J'ai vécu avec lui jusqu'à mes 23 ans. J'ai eu mon deuxième enfant avec lui. Je suis partie parce qu'il a tenté de m'étrangler. J'ai fait pas mal de petits boulots, j'ai voulu aussi concrétiser des rêves que j'avais, notamment celui d'être pompier, puisque j'étais jeune sapeur-pompier quand j'étais gamine, et je me suis accomplie. J'ai fait une prépa concours pour être soignante, puisque j'avais pas de bac et mon rêve c'était d'être infirmière. J'ai fait mon école d'aide-soignante, donc, et je me suis retrouvée à travailler à l'hôpital dans un service dans lequel j'avais jamais imaginé travailler. Je faisais du soin palliatif à domicile. Et je me suis éclatée jusqu'à ce qu'on vienne à s'occuper des enfants. Pour moi, là, c'était mon stop à moi. Je ne pouvais pas aller plus loin dans le sens où c'était trop douloureux pour ça. Donc, j'ai un peu vivoté. J'ai été en clinique. J'ai fait tout autre chose. Et là, ça a été vraiment difficile parce que je gagnais beaucoup moins ma vie. Et j'avais vraiment très mal au ventre tous les mois parce que je me disais comment je vais faire pour faire mes courses. J'avais une petite bagnole, je faisais 45 minutes de route pour aller bosser à Rouen. Et voilà, et consommer. J'étais fatiguée, lessivée de cumuler en fait mes emplois, cumuler les gardes, cumuler aussi mes enfants. Je me démenais pour leur donner un semblant de vie normale avec des valeurs qui m'étaient chères. Mais voilà, c'était super compliqué. Bonjour à tous. Alors, je viens faire une petite vidéo coup de gueule. Novembre 2018. Depuis quelques mois, sur les réseaux sociaux, la colère monte. J'ai 2 petits mots à dire à M. Macron et son gouvernement. Quand est-ce que ça va se terminer, la traque aux conducteurs ? Des femmes et des hommes s'indignent d'une future hausse de la taxe carbone. Sauf que le prix du carburant, lui, est déjà au plus haut. Je me suis dit, mais c'est carrément injuste, en fait. Moi, je galère. Je vais à l'hôpital, je prends soin des gens, je trime comme une malade mentale, j'ai du mal à remplir mon frigo, et on va me ponctionner 20 balles à la fin du mois pour une taxe, alors que moi je fais tout pour ne pas consommer. Vu que ça bougeait un petit peu pour le 17 novembre, j'espère que ça va vraiment bouger, que les Français vont se motiver, sortir vraiment, faire un petit blocage bien costaud, montrer qu'il n'y a pas que le foot qui rassemble. Donc ceux qui sont d'accord pour le mouvement, peut-être qu'ils sont pas, ils seront au travail, ils pourront pas... On a tous un gilet jaune dans la bagnole. Sur Facebook ou Twitter, un appel est donc lancé. Le rendez-vous est pris le 17 novembre 2018 sur les péages ou les ronds-points pour se rassembler et dénoncer la hausse du coût de la vie. Plus de 2000 rassemblements aujourd'hui, 100 meneurs identifiés. J'y suis allée. Et là, pour moi, ça a été la grande stupéfaction. Et je pèse mes mots quand je dis stupéfaction parce que c'est vraiment, vraiment ce que je pense. En fait, on s'est tous garés un peu à côté de ce péage. Et en fait, c'est la quantité de voitures qui est venue se garer sur ce truc. Et les gens qui sortaient de leur voiture avec les gilets jaunes, je me suis dit, what the fuck, qu'est-ce qui se passe ? Bonjour quand même à tout le monde. Donc moi, c'est Séverine. Comme elle, ils sont nombreux à être sortis du lit pour manifester. Une personne qui touche 1200 euros par mois, qui touche un SMIC, avec les taxes et surtaxés qu'il est, quand il a payé son loyer, quand il a payé son assurance, quand il a mis son gasoil, il lui reste quoi au final ? Un ras-le-bol général qui s'affiche partout. Et en fait, il se crée un truc un peu bizarre. Une sensation d'excitation qui est là. Et en fait, je retrouve des gens... qui étaient juste des gens que je croisais à l'école, des gens que je côtoyais, que j'appréciais beaucoup, des assistantes sociales, le pharmacien du village, mon frère, je veux dire des entrepreneurs. Et là, je me dis, attends, en fait, la première réaction que j'ai eue, c'est mais d'où ils galèrent, en fait, financièrement. Enfin, je veux dire, alors ça veut dire qu'il n'y a pas que moi qui galère. En fait, j'avais pas trop capté le délire au départ, parce que je me suis dit, moi j'y vais parce que je galère financièrement et que je trouve que cette taxe elle est injuste. Mais qu'est-ce qu'ils font là, eux ? Et du coup, ça a été vraiment une sensation. Je me questionnais à fond, je regardais et je me disais, en fait, on est tous un peu dans le même bateau. Et puis c'était chaleureux, c'est-à-dire qu'on bloquait pas les gens, on les sensibilisait, on avait des klaxons. Au départ, c'était tellement émouvant. C'était ça la sensation, c'était émouvant de se sentir soutenu et de se dire en fait on est tous d'accord. Voilà, il y avait pas de méchanceté, il y avait pas de gens qui voulaient nous rentrer dedans. Le premier jour, c'était juste incroyable. Et même on parlait avec les gendarmes, on échangeait les croissants, c'était incroyable. Et après la question s'est posée, tu reviens demain ? Il se passe un truc demain. OK, je reviens demain. Et donc, je me suis organisée. C'était un week-end où je n'avais pas mes enfants. Ils étaient chez leur père, justement. Et je suis revenue le lendemain et le surlendemain. Et après, je suis allée bosser et je suis revenue le jour d'après. Et c'est comme ça que tout a commencé pour moi. Ingrid Levavasseur retourne sur les ronds-points. Et c'est là qu'elle fait une rencontre qui va changer sa vie. Et donc, on se retrouve. Mais ce n'était pas du tout la même ambiance que les autres jours. C'était des gens que je n'avais pas vus avant. Et en fait, je les entendais scander des slogans et tout, et je me disais qu'ils sont carrément débiles. Enfin, c'était stupide, en fait. Ouais, Macron, on va vendre Brigitte, la vieille chaudière. La Brigitte qui s'effrite, la vieille cagole qui raffole des flashballs avec sa grande folle. Je me disais, c'est débile, enfin, c'est quoi le sens ? Et j'étais pas d'accord avec ce qu'ils disaient. Et là, en fait, je vois qu'il y a un journaliste sur le péage, et je me dis, on va passer pour des bouffons. Et vraiment, c'était ça que je me suis dit. C'est pas du tout ce que j'ai vu depuis samedi, en fait. Pourquoi est-ce qu'il raconte ça ? C'est n'importe quoi. Et donc, ce journaliste, il vient à moi et il commence à me poser des questions. Donc, je discute avec lui et il me dit « Alors, Macron démission ?» Et moi, j'étais pas tout à fait d'accord avec ça. Je me disais « En fait, je crois que c'est pas la solution à notre problème. Sa démission, ok, mais du coup, remettre un nouveau gouvernement en place, etc. » Nous, on parle de la taxe, de nos conditions de travail. Et là, il s'est dit... Enfin, il m'a regardé et il s'est dit « Cette nana, elle dit des choses différentes des autres. » Et il m'a demandé s'il pouvait me filmer et du coup sortir son micro et m'interroger et enregistrer. Et je suis OK avec ça. En fait, moi, je me dis que de toute façon, ça me coûte rien. Et puis après tout, voilà, si ça pouvait avoir une toute petite goutte dans le truc, OK. Et c'est là que la médiatisation a commencé pour moi. Une semaine après le début du mouvement, l'aide-soignante est l'invitée de l'émission C'est politique sur France 5. On nous vole l'argent qu'il nous reste. On n'a plus grand-chose pour vivre. Franchement, je demande à quiconque de vivre avec 1 250 € et deux enfants en travaillant 12 heures par jour, en rentrant à la maison, en s'occupant d'eux et à finir les mois normalement ou décemment. Voilà, je rappelle que vous êtes aide-soignante dans une clinique à Rouen. J'ai passé mon message, qui était celui de l'injustice et du fait que en fait, c'était une situation pas tenable pour les Français. Et voilà, et le message est passé. Et en partant, ils sont tous venus vers moi en me disant c'était fort, c'était puissant, on va sûrement être contactés pour donner vos coordonnées. Est-ce que vous acceptez d'être contactés? Et j'ai dit oui, mais en fait, encore une fois, je me dis, en fait, ils me font de la lèche, quoi. Enfin, c'est quoi ces gens qui veulent me contacter, moi, alors que en fait, on est des milliers, et du coup, pourquoi moi et pas d'autres? Et à partir de ce moment-là, plus jamais mon téléphone a pu être en mode musique, là, sur mon portable, parce que je me suis clairement fait bombarder de messages. Les réseaux sociaux, je suis passée de 100 amis à 3000 amis en 2 semaines. Mais à partir de là, je me suis dit, ouais, j'ai la possibilité de parler, je vais pas lâcher. Et j'ai jamais lâché. Au début, j'étais une héroïne. J'entendais que ça. J'étais la nana qui pouvait parler, qui savait parler, plutôt jolie, qui passait bien. Donc j'étais le messager. J'avais tout le monde qui venait en me disant « Oui, alors il faut que tu parles de ça, les retraités, c'est pas normal qu'on touche que ça comme pension. » Et puis en plus, je comprenais rien de ce qu'ils me disaient, pour la plupart, parce qu'ils me donnaient des termes et tout qui les concernaient. Et moi, je devais assimiler ce qu'eux me disaient. Avec leur malheur à eux, leur fin de mois difficile, j'avais les retraités, les personnes en situation de handicap, les personnes qui venaient avec leurs enfants, qui n'avaient pas de place en IME, j'avais ceux qui n'avaient pas de bagnole, ceux qui n'avaient pas de permis, ceux qui n'avaient pas de travail. En fait, je me retrouvais avec une multitude de gens. Messagère des uns, l'aide-soignante devient aussi une traîtresse pour d'autres gilets jaunes. En janvier 2019, 2 mois après le début du mouvement, une information fuite dans la presse. BFM TV me propose de tenir une petite chronique justement pour parler de ces sujets que l'on me donne à échanger. J'y réfléchis en me disant, bon, il se passe un truc, je vais méditer sur le sujet, mais ça dure maximum 48 heures, grand max. Et donc, je décline en disant, non, c'est pas la peine. Je sentais bien que BFM était détesté des gilets jaunes, et donc je me dis, ben, c'est pas le bon message, c'est pas eux notre bon interlocuteur. Et donc, Apolline de Malherbe, elle comprend. Elle dit, OK, je comprends, parce que c'était elle qui m'avait contactée. Elle me dit, je comprends parfaitement, c'est compréhensible, blablabla. Sauf qu'il y a un petit malin, que je ne saurais jamais de qui il s'agit, qui a diffusé en fait l'information que j'allais devenir chroniqueuse. Et donc, j'ai été traître, j'ai été Judas et compagnie. Il faut dire que BFM TV et les médias en général sont régulièrement la cible d'une partie des gilets jaunes qui les accusent de collusion avec le pouvoir en place. Pour certains des manifestants, la jeune femme pactise littéralement avec l'ennemi, ce qui lui vaudra au passage des torrents de harcèlement en ligne. Mais ce n'est pas tout. Une autre séquence, au même moment, cristallise la haine et la violence à l'égard d'Ingrid Levavasseur. C'est sa rencontre avec Bernard Tapie à Marseille. À l'époque, l'ancien ministre, et surtout homme d'affaires, affiche un amical soutien au mouvement des Gilets jaunes. Également actionnaire majoritaire du quotidien La Provence, il propose à plusieurs figures de la contestation de se rencontrer pour les aider à se structurer. La rencontre a lieu le samedi 5 janvier 2019 dans un local du journal. Sauf que tout ne se déroule pas comme prévu. D'autres gilets jaunes, qui ne sont pas invités, veulent aussi participer à cette réunion. J'aurais jamais imaginé déjà qu'il y ait tous ces gilets jaunes qui soient derrière les barreaux de la Provence et que nous, on soit de l'autre côté en disant « mais ils veulent rentrer dedans, nous, on ne veut pas qu'ils rentrent parce qu'on a peur de se faire défoncer, mais à la fois, ils veulent parler, donc il faut aller parler. » Donc tout ça, ça se passe en un week-end, quoi. Et du coup, entre-temps, on est dans... on est dans ce bâtiment, il fait hyper froid, j'ai froid. Il y a un vieux qui me tape sur l'épaule comme ça et il me dit « Oui, moi je vous finance, je paye tout ce que vous voulez, je paye vos tractions et tout. » Je me suis dit « Mais c'est quoi ce truc ?» Et donc je repars et je me dis « Flop ». Flop parce qu'on voulait créer un truc. Mais peu importe l'échec de la rencontre, ce rendez-vous est la preuve, pour des Gilets jaunes, qu'Ingrid Levavasseur n'est pas la mère célibataire qu'elle prétend être. Donc j'étais celle qui pactisait encore une fois avec Bernard Tapie. Et il y a eu les Gilets jaunes qui se sont dit « Ouais, pourquoi elle et pas nous ?» Du coup, il y avait cette jalousie, entre guillemets, de « La nana, elle prend la lumière, elle rencontre Bernard Tapie, elle rencontre des célébrités, ça suffit en fait, nous aussi on veut notre part du gâteau. » Sauf que moi, je ne le voyais pas du tout comme ça. Pour moi, Bernard Tapie, ouais, ok, bah super. Hein. C'est juste hyper intimidant parce que moi, je n'ai jamais grandi dans ça et je me retrouve à devoir parler avec un mec qui est hyper connu. Donc vraiment, ça a été le week-end transformation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a pris un virage à 180 degrés. J'étais devenue la traîtresse, celle qui allait à la Provence, la princesse. Voilà, j'étais la princesse, j'étais la fille qui était née avec une cuillère en argent dans la bouche. Et j'étais tout sauf une mère isolée avec ses gosses. J'avais tout sauf l'allure d'une fille qui vivait toute seule avec ses enfants et qui trimait. Parce qu'en plus, de toute façon, j'avais le temps puisque j'allais faire tous les médias. Donc j'étais une menteuse. Et surtout, j'étais payée. Voilà. Et ça, j'étais payée pour faire tout ça. J'étais missionnée par l'État. Ça, je l'ai lu, je l'ai entendu. J'étais celle qui était là pour faire capoter l'intégralité du truc. En clair, Ingrid Levavasseur aurait fait partie de l'opposition contrôlée. C'est-à-dire qu'elle aurait été recrutée et utilisée par le gouvernement pour affaiblir la contestation sociale. Et ce n'est pas la seule théorie du complot qui circule au sein du mouvement. Dans le mouvement des Gilets jaunes, tout de suite, tout le monde se sentait épié. Quoi. Le moindre Gilet jaune, le moindre manifestant, ça y est, c'était « oui, je me suis fait suivre ». Il y avait une sorte de paranoïa générale. Il y a eu ce truc du complotisme qui s'est mis en place où chacun avait l'impression d'avoir les yeux comme ça, d'être mis sur écoute. Et moi, j'écoutais ce qu'il disait, je me disais... au début et tout, je me disais, ouais, c'est vrai, on est suivi, on est regardé. Certains étaient persuadés quand même qu'ils étaient à abattre et qu'à cause du gouvernement, ils ne trouvaient pas de travail. À cause du gouvernement, voilà, c'était difficile. Et moi, je l'ai entendu. Et parfois, je me suis posé des questions quand même en me disant, est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort? Pour moi, ça a été difficile de retrouver du travail après, mais ce n'était pas à cause du gouvernement, c'était plus parce que cette image de gilet jaune, elle faisait un peu peur, surtout que j'étais hyper médiatisée. Donc, je pouvais comprendre aussi, on se disait, oh là là, je ne vais pas prendre de risques. Et puis, en plus, quand on regarde un peu aujourd'hui, enfin, moi, en tant que chef d'entreprise maintenant, je regarderai à deux fois en me disant, bah, est-ce qu'elle ne va pas repartir dans ses combats et du coup, être absente au travail. Enfin, en fait, j'analyse les choses avec le recul en me disant, bon, bah, voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais oui, il y a eu des théories comme quoi les uns étaient payés, que voilà, il y avait vraiment une mise en place du gouvernement à faire tomber tous ceux qui se mettraient en travers de leur chemin. Et donc, il y avait ce côté-là où moi, par exemple, je vais citer mon cas, j'étais payée, clairement. J'étais payée par le gouvernement. De toute façon, j'étais une espionne, une infiltrée. Et du coup, on me versait de l'argent pour que en fait je fasse pourrir le truc de l'intérieur quoi. J'étais vraiment l'espionne numéro un et ce complot là il est revenu tout le temps, même encore aujourd'hui il est encore hyper présent. Je suis la vendue, la traître et celle qui voilà, est payée par le gouvernement pour voilà. Et puis du coup j'en ai l'usufruit puisque évidemment aujourd'hui je suis gérante, donc c'est grâce au mouvement des Gilets jaunes, parce que grâce au mouvement, j'ai été payée. Et donc, je peux réussir dans la vie maintenant. Ce qui est absolument faux, évidemment. Moi, j'ai entendu après, par exemple, que le Covid s'était complètement monté de toutes pièces pour faire taire le mouvement, enfin, pour que le mouvement s'arrête, quoi, qu'on ne puisse plus manifester les samedis. Mais le complot, les complots sont nombreux, en fait. Le voilà, le brevet. Voilà ce qui est en train de nous tuer aujourd'hui. Lorsque l'épidémie de Covid-19 s'installe en France, certains pensent qu'il s'agit d'une machination pour arrêter le mouvement. Sur Facebook, Kat Antonio, un gilet jaune parisien, affirme par exemple que le virus est une invention de l'Institut Pasteur. La vidéo a été vue des millions de fois. On va vous montrer par A plus B comment a été créé le virus. Vous commencez sur la première page, on trouve les inventeurs. Inventeurs, j'insiste, inventeurs. Ils ont inventé. Le mercredi 23 janvier 2019, le ralliement d'initiatives citoyennes diffuse une liste d'une dizaine de noms pour une candidature aux élections européennes, avec à leur tête Ingrid Levavasseur. Une candidature qui divise aussitôt au sein du mouvement, certains membres soupçonnent à nouveau une récupération de la part du gouvernement. C'est le cas de Maxime Nicole, autre figure du mouvement. À l'époque, il est à la tête d'un groupe Facebook aux 130 000 membres dédié aux Gilets jaunes. Je ne sais pas qui t'a donné quoi que ce soit ou qui t'a vendu du rêve, mais ce que je vois, c'est que tu es en train de trahir des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de personnes qui avaient confiance en toi. Était en train de leur mettre une carotte. Maxime Nicole, dit Flyrider, se présente comme apolitique et anti-système. Il est aussi un relais de théories complotistes. Par exemple, il a mis en doute la réalité de l'attentat de Strasbourg en décembre 2018, ou révélé l'existence d'un prétendu lobby des lobbies capable de déclencher la guerre nucléaire. La candidature d'Ingrid Levavasseur réveille les ardeurs d'autres personnalités, à l'image du philosophe Michel Onfray, qui publie fin janvier 2019 une lettre sur ce que lui inspire le projet de l'aide-soignante. Le texte a pour titre « Le baiser de Judas ». Et sous-titré « La pensée complexe d'Ingrid Levavasseur ». Moi qui suis intellectuellement curieux de la façon dont le pouvoir tue la parole du peuple, je dois dire que ces temps-ci, je suis servi. Ces techniques populicides sont bien connues depuis des années. Endoctrinement massif dès le plus jeune âge à l'école, construction et proclamation d'une culture dominante utilisée sur le principe de la propagande, mobilisation permanente des médias de masse à son service, subvention publique du catéchisme d'État, élection idéologiquement truquée, criminalisation de l'adversaire, mépris du vote quand il ne convient pas. Ça, tu sais la bite à Macron ! C'est la bite à Benalla ! Ça, tu sais la bite à Benalla ! Cette défiance contre Ingrid Levavasseur s'intensifie en février 2019 lors d'un nouveau rassemblement de Gilets jaunes à Paris. C'est là qu'elle est agressée physiquement et verbalement. L'agression est retransmise à la télévision et sous les yeux de ses propres enfants de l'autre côté du poste. Le 17 février 2019, j'ai été prise à partie en pleine manifestation. Parce que j'étais une traître, une vendue, on entend même à un moment donné un mec qui dit sale juif. Et là, je me dis, mais ils sont malades, quoi. Et donc, j'ai franchement eu peur pour ma vie à ce moment-là, parce qu'ils m'ont tous... En fait, ils se sont tous collés à moi, et j'ai été bloquée par une voiture qui était derrière moi. Et pour la première fois de ma vie, je me suis dit, je vais mourir. Et en fait, il y a des gars qui étaient là, qui étaient avec moi sur le parcours, que je connaissais pas forcément, mais avec lesquels j'avais échangé un peu... Et en fait, ils m'ont un peu protégée et il y a eu un truc qui s'est passé où ils m'ont escortée vers les CRS et ils m'ont fait sortir. Mais j'étais huée de toutes parts, quoi. Sale pute, vendue, salope. Et du coup, ça revenait tout le temps. Vendue, traître, Judas, et c'était toujours ça. Et donc, j'avais pas ma place parmi eux, quoi. J'étais exclue. Donc, je devais pas être là. C'est eux qui décidaient. Et le surlendemain, ou le mercredi suivant, c'était le mercredi suivant. Donc ça, c'était un dimanche, il me semble. Et le mercredi suivant, j'avais été appelée par les syndicats de la maternité de Bernay, donc pas très loin d'ici. C'était une maternité qui allait être fermée. Et du coup, le personnel avait dit, c'est symbolique en fait. C'est une femme, une maman, elle se bat, etc. On va la convier. Donc j'y suis allée parce qu'on m'a invitée. Et en plus, pour moi, c'était familial. Donc j'y suis allée avec ma mère et mon fils. Et en fait, là, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai été de nouveau agressée, mais violemment. Et en fait, c'est France 3 qui m'a permis de partir. Parce qu'en fait, il m'attendait avec ma voiture. En fait, il voulait castagner ma voiture. J'avais qu'une issue. Et du coup, c'est les journalistes qui les ont bloqués pour les empêcher en fait, de me frapper. Quoi. Et surtout de défoncer ma voiture. Donc, j'ai fait demi-tour à l'arrache en fait, au milieu de la route parce que c'était juste, je ne pouvais plus passer. Quelques jours avant, Ingrid Levavasseur s'était désengagée de la liste des Gilets jaunes pour les européennes. En fait, moi, je pensais qu'il fallait faire un peu à la Coluche. Hein. Vraiment, j'avais cette idée un peu naïve de me dire tous ceux qui ne se reconnaissent pas en la politique, puisque vous voulez être reconnu par le vote blanc, et c'est entendable. Vous voulez ne plus voter pour rien et vous ne votez plus. Donc, pourquoi pas voter pour les Gilets jaunes, la liste que l'on montait, pour dire on est tous les pas reconnus ensemble. Et du coup, on crée quelque chose, on crée une unité, et ça va peut-être faire réagir. Et en fait, c'était un peu naïf, certainement. C'était très naïf même. Mais il y avait de l'espoir aussi dedans ça, parce que j'y croyais vraiment en me disant, on peut être différent et on peut y aller, on peut discuter. Dès janvier, les rencontres avec les autres candidats et la trajectoire à donner à ce projet politique s'organisent. Et donc, on avait eu une réunion. Non, mais c'était hallucinant. On s'est retrouvés dans une espèce de grenier parisien, dans une espèce de chambre de bonne où il y avait juste un clic-clac. Et il y avait Christophe Chalençon. Christophe Chalençon, aujourd'hui décédé, était l'un des leaders du mouvement des Gilets jaunes. Il s'est aussi illustré pour ses propos complotistes et antisémites. La liste est longue. En vrac... Si on veut renverser l'oligarchie, il va falloir sortir tous unis. La France est asservie au sionisme et les sionistes ne pensent qu'à une chose, c'est détruire l'humanité. Quand je dis qu'il faut pendre Attali, lui couper les couilles et lui mettre dans la bouche... Le tribunal de Carpentras est un tribunal félon au service du régime politique. Et que Emmanuel Macron, il faut l'amener sur un plateau de télévision, lui planter dans chaque main une pointe de sang. Député, ancien ministre, sénateur, tremblé. Dans 2 mois, nous allons rentrer en action de combat. Et en janvier 2023, il est condamné par le tribunal de Carpentras à 8 mois de prison ferme pour avoir, dans des vidéos, menacé de couper les doigts d'une journaliste de La Provence. Il a aussi été condamné pour provocation à s'armer contre l'État. Je me souviendrai toujours de son odeur, le gros bûcheron, quoi, avec sa chemise, rentré dans son jean et tout. Et donc là, je me suis dit, non mais meuf, t'es là toute seule avec 2 mecs dans l'appartement, tu sais pas qui ils sont. Et donc c'était complètement hallucinant cette histoire. Et en fait, il y avait des mecs qui étaient restés en bas de l'immeuble pour surveiller si jamais il n'y avait pas les RG qui voulaient rentrer ou la police qui voulait nous arrêter. Enfin, c'était... Et quand je suis sortie de là et tout, je me rappelle avoir appelé justement ma cousine. Je lui dis, c'est des malades mentaux. Ils sont malades. Ils sont complètement tarés, quoi. En mode, il faut que tu aies la même parole, il faut que tu tiennes le même discours. Nous, on va y aller comme ça. Il faut rentrer dedans. De toute façon, ils voudront nous tuer. On va finir avec une balle dans la tête. C'était des discours, mais de malades mentaux, quoi. C'était vraiment... Et là, je me suis dit, ouais, à partir de ce moment-là, ce mec, je me suis dit, c'était la seule fois vraiment où j'avais un échange avec lui, à fuir. Mais c'est une réunion pour décider de l'orientation de leur projet politique qui achèvera de la consterner. Dans la réunion, il y avait un type qui sortait de nulle part, d'extrême droite. Mais vraiment, il est arrivé avec ses gros sabots en disant, voilà, moi, je suis le directeur de campagne, je vais vous emmener, on va se structurer, s'organiser. Donc jusque-là, il n'y avait pas de problème. On va faire en sorte que vous ayez une façon de parler et de s'exprimer qui soit uniforme. Chacun, si vous prenez la parole, vous aurez tous le même... Et ce qu'on va faire, notre stratégie, c'est d'aller prendre des voix à l'extrême droite. Et là, tout de suite, j'ai eu mes oreilles qui ont fait... Et du coup, j'ai dit, non mais qu'est-ce que vous voulez que je dise et tout. Non mais nous, en fait, l'immigration et compagnie, c'est hors de question, finis l'immigration, ferme les portes. C'était, en fait... Et là, je me suis dit, j'ai passé peut-être 2 heures, et je l'ai arrêté, où j'ai dit, écoute, avec tout le respect que je te dois, en fait, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais tu m'entendras dire ça sur un plateau télé. En fait, je veux bien être la porte-parole même du truc, la tête de liste, mais jamais vous m'entendrez dire ça. Et donc, ils n'étaient pas d'accord, donc ça a créé un débat, etc. Et quelques jours après, on devait rencontrer le fameux ministre italien du mouvement 5 étoiles, qui est quand même apparenté à l'extrême droite en Italie. Le mouvement 5 étoiles est une sorte d'ovni en Italie. Populiste, il se revendique comme un parti anti-système et anti-corruption, défend des positions souverainistes et anti-immigration, et s'est même allié au gouvernement d'extrême droite de Matteo Salvini. Et moi, je me suis dit, non mais dans quoi est-ce qu'on est en train de s'embarquer ? C'est un truc de malade. Et du coup, je me suis aussitôt, j'ai annoncé que j'étais plus du tout dans le truc, mais ça a fait un peu... Je m'y mets pas. Et du coup, j'ai dit non, mais en fait, moi, ça matche pas. En février 2019, Ingrid Levavasseur finit donc par se retirer officiellement de la liste européenne des Gilets jaunes. Cette même liste, qui sera ensuite investie par le chanteur complotiste et pro-russe Francis Lalanne, est rebaptisée Alliance Jaune. Aujourd'hui, depuis sa guinguette, Ingrid Levavasseur refuse de parler d'une dépossession de ce mouvement. J'ai gardé cette image de traître aux yeux de ceux qui se sont battus aussi pendant le mouvement. Peut-être qu'ils sont sortis à ce moment-là du mouvement, mais quand même, je suis toujours Judas, la vendue et la traître, qui a gagné des centaines de milliers d'euros, hein, faut le savoir. Je suis devenue millionnaire d'ailleurs, grâce à ce mouvement, parce que j'ai été payée par le gouvernement. Et ça, c'est ce qui ressort sur les réseaux sociaux, notamment quand il y a eu les premiers articles concernant mon investissement dans cet établissement. C'était « Ah bah oui, il a vendu, évidemment, maintenant elle a de l'argent, elle a du fric, elle a été payée par le gouvernement, donc elle a les moyens. » Et ça, je l'ai lu des dizaines et des dizaines de fois. Mais tellement hallucinant. Et je me suis dit « Ah ouais, même après ça, en fait, ça continue, quoi. » Et ouais, ça poursuit carrément. Et en fait, ça a un impact même sur les gens autour de moi. J'ai reçu des messages de gens me disant « T'inquiète pas Ingrid, nous, on te soutient, lis pas les réseaux sociaux, surtout lis pas les commentaires, quoi. » Tellement les gens étaient inquiets pour moi. Alors, je le lis en diagonale parce que j'ai appris à le faire avec la médiatisation, ce que je faisais pas toujours au début et ça me faisait énormément de mal. Là, j'ai lu plein de commentaires. Ça me touche pas, mais ça me fait rire quand même. Je me sens plus dans l'obligation de me justifier en disant que cet établissement, en fait, je l'ai pas acheté. Et puis en plus, je vais m'endetter sur des dizaines d'années. Et que, en fait, j'y mets la sueur de mon front de 6h le matin à 23h le soir tous les jours, que j'ai plus de week-end, que je vois pas ma famille, que c'est un projet de vie. Et puis c'est un projet territorial en fait aussi, donc voilà, il y a une histoire et cette histoire je la continue et je vais pas m'arrêter de vivre parce que les gens pensent que j'ai été vendue ou enfin achetée surtout et que je vais pas leur donner raison en fait, absolument pas. Mais par contre c'est douloureux pour ceux qui m'entourent, encore une fois, parce que moi je suis entre guillemets je suis solide, je sais, je l'ai vécu, c'est bon maintenant, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ça me donne toujours une très grosse dose de stress quand je dois faire un média ou un papier ou quand on sort un article. Je sais pertinemment, je préviens d'ailleurs les gens autour de moi, vous inquiétez pas, il y aura forcément des haters. Le gilet jaune, c'est fini. Il n'y aura plus vraiment de mouvements. Il y aura d'autres mouvements sociaux sous d'autres formes. Il y a eu les bérets rouges, il y aura d'autres mouvements, mais plus jamais de mouvement des gilets jaunes. Perso, déjà plus jamais, je porte un gilet jaune, même à vélo. Enfin, j'ai mon gilet jaune, j'ai mes écrits, je garde tout précieusement. Pour moi, c'est hyper sentimental. Mais plus jamais je porte un gilet jaune. Ça, pour moi, c'est dans mon cœur, c'est dans mon histoire. Mais voilà, je veux pas, et jamais plus d'ailleurs, parce que de toute façon, j'ai été exclue de ce truc. En fait, c'est hyper péjoratif de porter un gilet jaune. Les gens ont assimilé ça au grillage de saucisses sur les ronds-points avec la Heineken, quoi. Et on bloque, on laisse personne passer. C'est faux, évidemment. Mais par contre, il y a eu aussi des comportements qui ont fait que tout le monde a pu constater un peu que des fois, c'était limite. Hein. Donc, ouais, c'est péjoratif, évidemment. Venez d'écouter Réveillez-vous,